Chapitre 8e. Le lendemain, Madame de Rias revêtit une toilette d'une simplicité sévère et resta chez elle tout le jour. Elle fit des gammes sur son piano et entreprit un ouvrage de broderie. Elle reçut dans l'après-midi la visite de la duchesse Sabine d'Estrény, qui arriva plus languissante que jamais, ce qui n'était pas surprenant si elle n'avait rien mangé depuis la veille. Les deux cousines s'embrassèrent comme de coutume, après quoi Madame de Rias reprit son travail avec une application extraordinaire. La duchesse attachait sur elle des regards inquiets. La conversation se traîna quelque temps dans les lieux communs, puis elle tomba tout à fait, et le silence ne fut plus interrompu que par le pétillement du feu et par les soupirs de la duchesse. « Est-ce que tu es malade ?» dit sèchement Madame de Rias sans lever les yeux de sa broderie. « Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu ne fais que soupirer. » « Oui, je suis un peu souffrante, et puis j'ai envie de pleurer. »« Pourquoi as-tu envie de pleurer ?»« Que veux-tu ? Toujours la même chose ?»« Quelle chose ? Je suis si malheureuse avec mon mari. » »« Et tu as espéré être plus heureuse avec le mien ?» dit Madame de Rias, dressant brusquement la tête et regardant la duchesse en face. Madame d'Estrény, après quelques secondes de muette confusion, se laissa glisser aux pieds de sa cousine et, pâmée dans l'ampleur de ses jupes, elle fondit en larmes. « Que dois-tu penser de moi ? » murmura-t-elle. « Je pense que tu n'es pas une bonne amie. Voilà ce que je pense. » « Je t'assure que si, je t'assure. C'est un moment de folie. J'étais jalouse de toi, de ton bonheur, c'est vrai. Mais j'étais si punie, si humiliée. J'ai si bien vu qu'il ne m'aimait pas ton mari. Ce n'est pas à moi de t'en consoler, je suppose. Il n'aime que toi. Va, sois tranquille. » « Ce n'est pas ta faute, franchement. Voyons, relève-toi, Sabine. Je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur, n'en parlons plus. »« Je t'ai fait beaucoup de peine, Marie, » dit la duchesse, dont les larmes redoublèrent. « Beaucoup, » dit Marie, qui commença elle-même à s'attendrir. « Ma pauvre chérie. »« J'avais tant de confiance en toi, » reprit Madame de Rias d'une voix suffoquée. « mon Dieu, » dit la duchesse. Et la fin de cette scène se perdit dans un bruit confus de pleurs et de baisers. Quand M. de Rias rentra vers le soir, il trouva sa femme piquant sa broderie avec acharnement. « Ciel, ma chère enfant, » s'écria-t-il, « en croirais-je mes yeux ? Qu'est-ce que vous faites là ? » ?»« Je brode un col pour ma mère. »« Ah, c'est un col pour votre mère. Eh bien, c'est très joli. Vous faites très bien ces choses-là. Je ne vous connaissais pas ce talent. Mais voyons, c'est très avancé déjà. Vous avez donc travaillé toute la journée ? » ?»« Toute la journée. » « Comment ? Pas sorti du tout ? Non. Pas allé au Petit Saint-Thomas ? Non. Pas allé aux Trois-Quartiers ? Ni au Louvre ? Non. Pas chez Guerre non plus ? Non. Mais c'est la fin du monde alors ! » dit M. de Rias en payant sa jeune femme d'un baiser qui lui parut délicieux. « Mais il ne faut pas non plus vous cloîtrer, ma chère petite. Il faut au moins prendre un peu l'air dans la journée. Ainsi vous êtes restée toute seule comme cela depuis ce matin ? » ?»« La duchesse est venue. » dit Madame de Rias d'un ton de négligence. « Ah, vraiment ? La duchesse est venue ? Ah, vraiment ? Eh bien, comment vous êtes-vous quittée ? » ?»« Très bien, comme à l'ordinaire. » »« Sage petite femme, » dit Lionel en l'embrassant de nouveau. « Nous avons un peu pleuré, toutes deux, voilà tout. » »« Oh, ça devait être. » À dater de ce jour, Madame de Rias, sans s'astreindre quotidiennement à une réclusion aussi rigoureuse, continua de montrer une louable résolution de modifier son genre de vie. Elle ne sortit plus le soir. Ce fut à peine si elle parut en robe montante dans quelques modestes réunions de famille. À ceux qui s'étonnaient de ne plus la voir dans le monde, « Que voulez-vous ? » disait Madame Fitzgerald en levant les yeux au ciel. « Ma fille se plaît beaucoup chez elle. C'est tout simple, mon gendre est si aimable. » Et puis, si instruit, c'est un homme plein de ressources. Si plein de ressources que fut M. de Rias, il lui était difficile de remplir les immenses loisirs qu'il avait faits à sa femme. Ses occupations et ses distractions particulières ne lui permettaient d'apparaître chez elle qu'à de rares intervalles dans la journée. Le soir, il lui tenait compagnie après le dîner pendant quelques instants, se faisait jouer une valse ou deux, et s'en allait travailler ou se promener dans Paris. Il la conduisait quelquefois au spectacle, mais le plus souvent, il l'abandonnait à ses seules ressources, s'imaginant apparemment qu'elle en avait autant que lui. La vérité est que leur intimité, n'étant soutenue par aucun intérêt d'esprit qui leur fût commun, était pénible. La conversation entre eux languissait dans une stérilité embarrassante. Avec une intelligence naturelle très vive et très ouverte, Madame de Rias avait sur toute chose l'ignorance remarquable des jeunes Françaises. En matière d'art, de littérature, d'histoire, de politique, elle ne possédait que les notions légères et confuses dont une Parisienne s'imprègne au jour le jour. Il arrive qu'à la longue, ces notions finissent par se classer et se consolider dans la tête d'une femme intelligente, et lui compose, bon gré mal gré, un fond raisonnable d'instruction et d'entretien. Mais chez Madame de Rias, elle n'était encore qu'à l'état de vapeur, et son ignorance étourdie, qui avait beaucoup diverti son mari au début de leur mariage et de leur amour, ne le divertissait plus autant. Elle le vit entrer un jour fort soucieux. « Ma chère enfant, lui dit-il brusquement, vous voulez donc me rendre ridicule ? Comment cela, mon ami ? Vous allez conter à tout le monde que j'écris une histoire de la diplomatie française au 8e siècle. Mais, je croyais, vous me l'aviez dit. Je ne vous ai jamais dit une absurdité pareille. Quelle diplomatie française voulez-vous qu'il y eût au 8e siècle, avant Charlemagne, c'est insensé. Quand on confond le 8e siècle avec le 18e, on parle de chiffon, on ne parle pas d'histoire. Je vous demande pardon, mon ami, dit la jeune femme terrifiée. Mais enfin le ridicule, si ridicule il y a, est pour moi. Il est pour nous deux, ma chère. Le boudoir de Madame de Rias fut plus d'une fois le théâtre de petites scènes de ce genre. Les symptômes d'ennui qu'elle ne pouvait toujours réprimer, les bâillements, les langueurs, les larmes furtives, irritaient son mari. « C'est une chose inouïe, disait-il, que les femmes ne puissent pas se plaire dans leur intérieur. Il faut absolument qu'elles soient dehors. Et mon Dieu, comment faisaient donc les honnêtes femmes autrefois, quand ce qu'on appelle le monde n'existait pas, à Rome, par exemple? Une honnête femme ne passait pas ses journées à courir les magasins et ses nuits à danser. Elle élevait ses enfants et filait tranquillement, et elle était heureuse. Je ne vous en demande pas tant, mais vous avez 1000 moyens de vous occuper. Vous avez vos enfants, votre ménage, vos fleurs, votre aiguille, votre piano, des livres tant qu'il vous plaît. Vous avez vos devoirs religieux. Et avec tout cela, vous vous ennuyez mortellement. C'est fâcheux. Quand il rentrait le soir, il la trouvait souvent endormie sur sa broderie ou sur quelques numéros de revue. Quelquefois, il la surprenait dans un tête-à-tête confidentiel avec sa mère, et il voyait qu'ils avaient pleuré. Sa fierté en souffrait, peut-être aussi sa bonté. « Ma chère enfant, lui dit-il un jour, je n'aime pas beaucoup les airs de victime que vous affectez, et que madame votre mère paraît encourager. Je ne suis pas un geôlier. Si vous restez chez vous tous les soirs à vous lamenter, c'est que vous le voulez bien. Vous savez parfaitement que je vous ai autorisé à aller dans le monde avec votre mère, quand cela vous conviendrait. Allez-y donc. J'irai vous prendre de temps en temps en sortant du cercle. » La jeune femme, qui se sentait au bout de son héroïsme et sur qui les arguments empruntés à l'histoire romaine avaient fait d'ailleurs une faible impression, profita volontiers de la permission et ne tarda pas à sortir de sa robe montante comme un papillon de sa chrysalide. Elle rentra triomphalement dans le monde comme dans son élément naturel et s'y plongea de plus en plus avec l'ardeur innocente mais irréfléchie de son âge.